descend. Couleur de sang. Tu mets la voile vers les étoiles, laissant ton ombre dans les décombres. Rêves et amour, t'en as que dalle. Déjà sur toi pèse une dalle. À quoi te sert en fin de route de ce que tu as, ou ce que tu es, ou que tu sois roi ou sans papier, tu seras rien. Viens enterrer. Lutte plus contre la mort. Néants et doutes pleuvaient trop fort sur les gravats de ton décor. Tes rêves ont pris des teintes sépia. Ce n'est déjà plus toi celui que tu vois. À quoi te sert en fin de route ce que tu as, ce que tu es, que tu sois roi ou sans papier, tu seras rien, viens dans tes...